Qu'est-ce qu'on attend pour tout envoyer paître? Du vent, du vent, du vent, qu'on ouvre les fenêtres. Ici tout est en rang, tout est lavé, tout est brillant. Nous allons droit devant, très souvent. Nous comptons sur le vent pour les tournants. Du vent dans nos amours, venu pour nous décrocher du lourd ciment. Qu'est-ce qu'on attend pour tout envoyer paître? Du vent, du vent, du vent, qu'on ouvre les fenêtres. Ici tout est en rang, tout est lavé, tout est brillant. Le vent qui s'indiffère fait rentrer la poussière dans les rouages austères de nuit. Il soufflera souvent et nous murmurerons en s'écroulant. Qu'est-ce qu'on attend pour tout envoyer paître? Du vent, du vent, du vent, qu'on ouvre les fenêtres. Ici tout est en rang, tout est lavé, tout est brillant. Le vent qui s'indiffère fait rentrer la poussière dans les rouages austères de nuit. Il soufflera souvent et nous murmurerons en s'écroulant. Il est temps.